Le commandant Delgrès le rapte. Ce roman de Gustave Aimard fait suite au Chasseur de rats déjà publié. Lu par Ramina Grobis pour le compte de audiocité.net sous licence creative.commons.org.